Radiomatic. Four seagulls land on a church tower. The seagulls yell under a rusty cross. The flags on the cranes wave in the evening breeze. The seat is under construction. The river carries icebergs that never melt. Dangerous dreams are uprooting the bridges. There are plenty of tiny mirrors under my skin. Springtime is more slippery than ever. You're my sad love project, the beset of love, nothing more. You're my sad love project, the beset of love, nothing more. You're my sad love project, the beset of love. Le projet Toug introduisait la transmission 061 de l'émission Audiomatic avec sa pièce Side Love Project, sur laquelle on pouvait entendre la voix de l'actrice et réalisatrice Asia Argento, que les cinéphiles connaissent peut-être puisqu'elle est la fille du célèbre réalisateur de films d'horreur italien Dario Argento. Sur cet album de Toog intitulé « Loup étendu », on peut d'ailleurs entendre quelques pièces composées en collaboration avec Mademoiselle Argento. Audiomatique, animé par les électronistes, une heure dédiée à la musique électronique, en direct les mercredis de 17h à 18h et en rediffusion les samedis autour de 20h. En plus d'être disponible en tout temps sur Internet par l'entremise du profil facebook.com/audiomatique-cfou. La musique électronique a plusieurs visages, vous vous en doutez bien. Voici celui que lui donne Karen Park.

Audiomatique prenait une tangente toute ambiante avec le projet trifluvien Bio Bazar et sa composition Yona Guni de l'album Zona del Silencio que l'on peut télécharger sur Bandcamp en donnant ou non la contribution que l'on désire. Les pièces de l'album Zona del Silencio sont en fait des pièces qui ont été à l'origine composées pour l'album Pare Idoli, qui paraîtra officiellement sous peu, entre autres sur support vinyle. Et puisque les versions vinyle, comme vous le savez, sont limitées à environ 45 minutes de musique par face, Danny Janvier, le maître d'œuvre de Bio Bazar, s'est retrouvé avec un surplus de compositions quand est venu le temps de choisir les pièces pour son album Pare Idoli, dis-je. Puisque la majorité des pièces qui n'ont pas été sélectionnées étaient de genre ambiant, il a eu la bonne idée de les regrouper sur un nouvel album, soit Zona del Silencio. Encore une fois, pour en découvrir davantage sur Bio Bazar, visitez lebiobazar.bandcamp.com. Précédemment à Bio Bazar, il s'agissait de Dose One, le pseudonyme d'Adam Drucker, qui nous présentait sa chanson I Fell, tirée de son album G is for Deep. Et en début de bloc, nous avions droit à la chanteuse suédoise Karen Park et la pièce Fringes, parue sur l'album High Wire Poetry. Poursuivons maintenant avec le projet Head Dreamer. fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. La séquence se terminait sur la musique de la formation russe Das Reuth, qui est en fait un projet parallèle à matière plus électro-sombre des membres de Reuthoff. La pièce que nous avons entendue, intitulée La Folie, se retrouve sur leur seule parution sous leur projet Das Reuth, soit un mini-album dont le titre est Arte deben morir. Auparavant, nous écoutions une composition du projet écossais Nonima. Il s'agissait de la pièce Mifrak, parue sur l'album Foil Splinters, qui regroupe des pièces de deux projets, soit évidemment Nonima, mais également Dissolved. Cet album est disponible gratuitement ou selon le prix qui vous convient sur le site Bandcamp de l'étiquette de disque numérique Section 27. Et en début de séquence, c'était Head Dreamer, le projet de l'artiste Robert Gajdos, de qui nous entendions la pièce My Rainy Day qu'on peut retrouver sur la compilation Hyper Community, produite par l'étiquette de disque Aliens Production. Audiomatique se poursuit à l'instant avec la musique du groupe britannique Radium 88. Thank you. Ce court segment musical se terminait à Audiomatic avec le projet suédois I Am, Am I, Who Am I, mené par Yona Lee, et la chanson Kill de l'album Kin. Yona Lee a produit une vidéo pour chacune des pièces de l'album Kin pour créer un court-métrage d'environ 45 minutes. Et avant I Am, Am I, Who Am I, nous entendions le groupe Radium 88 et la pièce Washed by Gravity's Waves de leur tout nouvel album The Loneliness of the Long Distance Space Traveler. C'est sur une note très techno que se terminera cette transmission d'Audiomatique avec une version remixée par DJ Tiesto de la pièce Sweet Surrender de la chanteuse Sarah McLachlan. Celle-ci se retrouve sur l'album tout simplement intitulé Remixed, qui regroupe une collection de versions techno de pièces de cette artiste canadienne. Quant à la version originale de Sweet Surrender, elle apparaît sur l'album Mirror Ball. La transmission 061 d'Audiomatic est presque chose du passé, mais elle restera tout de même très contemporaine en raison de sa disponibilité et de son accessibilité en ligne. Vous trouverez d'ailleurs toutes les anciennes émissions d'Audiomatic sur le profil facebook.com/audiomatic-cfou. Et les électronistes seront de retour mercredi prochain à 17h pour vous présenter la transmission 062. Voici donc Sweet Surrender de Sarah McLachlan, remixée par DJ Tiesto. Bonne écoute et bonne semaine. miss everything about you.